Sound of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM, Legion of Imagination. You're listening to Illusion. Et bien bonsoir à tous, ça y est, nous sommes dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30, parfois 23h. Souvent d'ailleurs. Souvent, non, c'est pas vrai, mauvaise langue, c'est pas vrai. Non, juste. Hein ? Non, je suis juste. Écoutez, ce soir, ça va être une émission festive, je le sens. Ah oui. Je le sens d'emblée, pourquoi ? Eh bien oui, la réponse vous la connaissez, puisque on a avec nous ce soir notre grand ami Didier Stéphane. Yeah, yeah. Bonsoir. Bonsoir 80 l'heure. Bonsoir, mais dis donc, content de te voir. Mais on constate quand même une chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais un mois ça passe très vite quand même. C'est vrai. Alors c'est fou, hein, parce que j'avais l'impression d'être là la semaine passée. Carrément. C'est l'impression que j'avais eu aussi, hein. Ah mais ça, t'étais pas là. Bah justement, donc je suis en train de me demander si j'étais pas quand même présent la semaine passée. Non. Ah bah t'avais bien changé, hein. Les talons te vont bien. Les talons italiens. Faut pas le dire ça. Oh yeah. Eh ben, on va faire un tour de table quand même avant de revenir sur Stéphane qui est venu nous rejoindre comme tous les mois. On va commencer par le plus beau. Bah oui, évidemment. Par notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous. T'as vu quand il dit plus beau, il a vu ça, bah, bah ouais, forcément. Je prends ma voix de lover. Yeah. Je suis obligé, bah oui. Bah ouais, quand même. Carrément. Ouais. C'est bien. C'est ça te va bien, ça te va bien. Non, mais ça te va bien. Merci. Si tu pouvais toujours avoir cette voix-là. Ah oui. Donc, ils m'entendent dans la deux. Ne dis pas ça, il peut se transformer en Casimir en moins de deux. Ah, j'adore. Bonsoir, les amis. Cool. Alors, évidemment, toi, ce soir, donc 21h, oui. Rétro Ciné 80. C'est ça. 1980. Oui, 1980. Enfin, 79 aux États-Unis, 80 en France, le temps que ça traverse l'Atlantique. Et t'as vu, il change, hein, parce que alors c'était 79 aux States. Yeah. À la piquette. C'est vrai. Et évidemment donc à 22h. Et à 22h les sorties ciné de la semaine. Ok, bravo. Ça marche. Clip 4, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors toi, rien. Oui. Tu chômes. Je chôme. Tu vois. Pourquoi donc? T'as l'air au courant, dis donc. Mais non. Eh oui, j'ai expliqué malheureusement mon compte des arbres, j'ai pas. Mais on va y remédier la semaine prochaine. Ouais. On va rentrer dans la. Ton Windows 3.11 il bug, c'est ça? Windows 3.11. Ça fait des années que j'avais plus entendu ça, tiens. Moi j'ai jamais entendu. Ouais, non, effectivement. Bon, eh ben, écoute, ça marche. Hein. Tant qu'il y a ta bonne humeur, c'est déjà une bonne chose. Oui. On accueille aussi Onissa. Allô, bonsoir à tous. J'espère bonsoir. Que vous allez bien. Bah, et toi, ton Minitel, il déconne par contre. Ah oui, mais moi je vis à la Cambrousse, alors c'est la 14. Donc toi, rien non plus. Ah ben moi je suis solidaire de toi. Comme d'habitude. Moi je suis solidaire de toi. Heureusement que Stéphane est là quand même. Ouais, oui, on comptait sur toi. Canon, une petite chronique ce soir. Alors salut les gars, salut la France, salut le Canada, salut les États-Unis. La Navarre. Bah voilà, qu'est-ce qu'on a pu sur You raise me up. Ah non, aussi la soie TV. Non, on le salue au passage évidemment. Donc Canon sera avec nous la semaine prochaine ou pas, je sais pas. Bon, c'est pas surprise. Mais on le salue au passage. Bon, il est assez chargé aussi. Ouais, je veux dire, il y a le chargé ce week-end. Voilà, et bonsoir voilà. Harry quand même. Eh ben oui, bonsoir. J'espère tu que vous allez bien. J'espère. Vous avez passé un bon week-end? Oh oui. Et toi? Oui, très chargé aussi. Je vous ferai une petite rétrospective évidemment sur le carnaval de votre Lot. Ouais, ouais, je vous en parlerai bien évidemment. On parlera aussi de plusieurs événements qui auront lieu donc. Incessamment sous peu, absolument, puisqu'il va y avoir aussi un concert de Canon, parlons-en, hein, oui. Qui aura lieu au Touareg, on en parlera. On refera aussi un petit retour en arrière sur l'apéritif repas. Oui, qui a eu lieu ce dimanche, voilà, absolument. Oui. Mais on va évidemment accueillir en bon uniforme, comme j'ai entendu une fois. Oui, oui, mais moi je fais toujours en bon uniforme. On va recevoir en bonne et due forme notre ami Stéphane pour le défi Mix 81. Ouais. J'espère qu'on va t'en faire baver quand ouais, même. Bah comme, ouais, comme chaque mois, j'allais dire, oh, je ouais. pense. Hein. J'ai même pas eu le temps de réécouter les mix du mois passé. Ah, c'était pas mal. Assez hein. gratiné. Ah, c'était ouais, puissant. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être tirer au sort. Allez, allons-y, soyons fous. Donc, dans ce sac à mix, je ne sais plus, il faudrait que j'y raconte un jour, mais c'est bon. Bon, alors, il y a plus 600, ça m'étonnerait. Hein. Allez, on va dire peut-être 500 titres années 80, tous styles confondus. Vous allez en tirer au sort 6. Ouais. Et puis, je vais me débrouiller pour essayer de faire une session d'une quinzaine de minutes avec ces 6 titres, hein, sachant que. Je voudrais du francophone. Comme moi. D'habitude, ça va partir dans tous les sens. Okay. Ça va être folklorique. Allez, Flipkat. Allez. Au lieu de jouer avec ton portable là. Non, je coupe le son, justement. C'est et bien. Je remets Mélenchon. Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu ça. C'était bon. Et voilà. Allez, bon, allez. Courtoisie oblige, on va demander à Onissa les deux premiers titres. Et bien sûr, il faut que tu nous les chantonnes. Hein. Alors, Sandra, Maria Magdalena. Ah oui, voilà, ouais, tu peux oui, chanter c'est facile. Ça. Maria Magdalena, tu es la nana. C'est ça ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, bah ouais. Bon. Sauf qu'elle chante un peu mieux, Maria Sandra, Magdalena, mais... C'est ça, ouais. Non, mais là, c'est pas très radiophonique ce que vous faites. C'est vrai. Ouais, mais ça nous fait toujours rire. On est en train d'imiter Harry, en fait. avec les deux doigts en l'air qui suivent bien la musique. Hein. Ouais. Et des fois, alors... on a trois des doigts en l'air. Mais ça, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir. C'est pour un peu plus tard. Il est tôt, là. Arrête. Bon. Et après, Matt Bianco, Yéyé. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est Yéyé. Ah oui! Ah ouais. Oh yeah, j'adore. Ah bah ouais. Plus de 4, à toi de jouer. Ah bah j'ai... Bon, franchement, Jean-Luc Lahaye. Ouais. Ah oui. Avec. Elle est contente. Il fallait que tu reviennes. Cette chanson. J'aime beaucoup. Mais c'est un slow. Et ça fait comment? Bah, il fallait que tu reviennes. Je voudrais que tu reviennes. Ouais, c'est ça. T'es dans Mickey. Ah, c'est dommage qu'il peut pas l'avoir. Promis, je te dirai pas je t'aime. Je pense que c'est une chanson d'ailleurs qui a été reprise par Kids United. Kids United, non? C'est vrai. Ils reprennent beaucoup du Jean-Luc Lahaye. Oh non. Ils n'ont pas repris une chanson. Ça démarre. Non, ça démarre. Je crois que c'est Jean-Luc Lahaye qui a repris Prendre un enfant par la main. Par la main, oui. Et d'ailleurs, il s'est fait gauler à la friterie par les flics en demandant une petite à emporter. Ah non. Bon, c'est terrible. Alors, bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'ai une super blague après. Ah, ça y est, ça promet. Et voilà, l'autre, c'est Gold, Rio de Janvier. Oh yeah! Bah, tu vas chanter, elle est contente. Tu vas chanter. Hein. Oui, bien sûr. Comme toujours. Allez. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, bah, Rio de Janvier. Ouais, c'est là, j'ai connu. On sent la chaleur sur ta peau bronzée. Bah ouais, quand même. Ça, c'est un titre. Alors, ça va parler à Stéphane, parce que si je te dis, par exemple, ça va te faire penser à quelqu'un. Si je te dis Chain Reaction. Non. Bah, Chain Reaction. Évidemment. C'est un titre qui passe en Maxi 45 tours. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Diana Ross et accessoirement, quand même, le chanteur des Bee Gees, Harry Gibbs. Ouais. Chain Reaction. Oui. Ah, ça m'étonne. Sherlock, non? Ah bah, tu connais pas? Si. Ah bah alors. Chain Reaction. Bah, les chœurs derrière, c'est Harry Gibb. Ah oui, exact. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est bien ça. Et ensuite, j'ai... Le dernier, encore être vivant dans les Bee Gees, hein, d'ailleurs. Alors là. Alors. Jamais bleu avec toucher, couché. Ah, je dois l'avoir, ça. Je me souviens que je l'ai déjà vu quelque part. On l'a peut-être déjà vu. J'ai vu. Déjà passé. Toucher, couché, c'est pas la peine. Ah, c'est ça? Ils disent toucher, coucher. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils disent d'autre, par contre? Ah ouais, c'est connu, mais... Je dois l'avoir, ouais. Jamais bleu. Alors là... Ouais, je l'ai, ouais. Et j'ai la version étendue aussi. Oh bah, celle-là, l'extended. Ah bah, quand t'es couché, t'es étendu, hein. Évidemment. Eh bien, on va continuer en musique, Sherlock. Oui. Alors, avec Captain Sensible et What... Ah, il voudrait faire la traduction, ça. Ouais, bah. Le capitaine dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, déjà? Qu'est-ce qu'il dit? What? Qu'est-ce qu'il dit? Dico. Dico. Et ensuite, on va revenir, alors, pas avec celle de Flipkat, mais avec Boule Noire. Ah, j'adore parler d'amour. Aimer d'amour. Aimer d'amour. Aimer d'amour.

alors, pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline. Et oui, vous êtes toujours sur RQC dans l'émission 80 à l'heure, toujours avec Harry, Onissa, Flipcat et DJ Stéphash ce soir. Et donc là, on venait juste de s'écouter, c'était Boule Noire avec Aimé d'Amour, précédé de Captain Sensible avec What. Ah, un drôle de groupe quand même, un Boule Noire. Ouais, Boule Noire. Ouais, Boule Noire. Parce qu'il était noir et costaud. Peut-être, ouais. Oui, j'aimais jouer au billard, peut-être. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais c'est toujours très bon et je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé ce titre-là. Ouais, ça fait du bien. Eh bien, on va retrouver Stéphane avec la première session. Avant, je voudrais peut-être revenir en arrière sur ce week-end. Donc, vous avez assisté donc à l'apéritif repas. Donc, Sherlock et Onissard qui nous ont représenté à l'apéritif repas. Et apparemment, ça a bien fonctionné cette année. On n'a pas pu y aller, malheureusement. Oui, il y avait environ 170 personnes qui étaient présentes. D'accord, bah, c'est bien. Présent, c'est bien. Quand même, c'est, c'est plus que l'année dernière. L'année dernière, il devait y avoir 110 personnes, je pense, à peu près. Mm-hmm. Donc là, il y avait l'animation avec Dimitri... Donc, qui a une émission, que je dise pas de bêtises, c'est le lundi, il me semble. Ouais. Plutôt sportive, hein, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Une émission foot, il me semble, hein, le lundi. Désolé, Rico, j'ai pas encore révisé mes classiques. Il faut que je revoie toutes les émissions. Lui s'occupait de l'animation dans la salle. Il allait. Ouais, il paraît qu'il a mis le feu en plus. Ouais, franchement, c'était vraiment, vraiment très bien. Il y avait des quiz qui étaient posés. Non, c'était très bien. Il y avait, bon, toujours au bar, il y avait quelques amis de l'émission Chiffon Rouge qui s'occupaient du bar. Ah bah tiens. Donc le bar a bien dû tourner, je pense. Ouais. Si Chiffon Rouge nous entend. Un pour moi. C'est ça, ouais. On les salue au passage, évidemment. Oui, bien sûr. Eddie, Patrick, Laurent et Jean-Marie, qui sont les piliers. C'est ça, les piliers. Ouais. J'allais le dire, mais bon. Et ce soir, ils ont aussi reçu notre ami Gaëtan, donc, que vous avez pu entendre. Et donc, il y a un peu plus d'une heure, à peu près, pour une émission un peu plus politique. Là, on est sur des débats. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais nous, on parle jamais de politique. Et on pourrait en parler, hein, ce serait bien. Non. Il va y avoir un super débat ce soir, quand même. Où il va y avoir les 11 candidats. Les 11 candidats. Ouais. Alors il y a Cheminade, alors il m'éclate lui. Et alors, je sais plus qui va commencer le débat. Celui qui va clore le débat, c'est ce qu'ils appellent un petit candidat. Ah bon, Oui, c'est ça, c'est Poutou. Qui termine le débat. Et le premier, c'est aussi un petit candidat apparemment qui va commencer. Donc j'ai entendu, vous pouvez louper le début et aller vous coucher plus tôt, vous louperez rien. J'ai entendu ça. Je suis pas très politique, mais vous avez déjà entendu Poutou ou pas? Non mais oui, on finit je l'ai déjà entendu. Ouais. Ah non mais c'est énorme quoi, le mec, c'est limite. Pourquoi tu te présentes à la présidence Parce qu'il y avait personne d'autre. Je sais pas. C'était un peu ça. Mais tu crois qu'il va gagner? Bon non, je pense pas. Enfin, c'est énorme quoi. Alors lui, out vraiment tout de suite. Faut être honnête. Mais fois, il y en a un qui ment pas. Mais c'est vrai que alors c'est vrai que alors dans ce parti-là, parce que c'est la NPA, je crois. Aucune idée. Je sais pas. Si nouveau parti anticapitaliste. Avant c'était Besancenot qui était porte-parole. Enfin, il est toujours porte-parole, mais c'est lui qui se présentait à la présidentielle. Et alors maintenant c'est qu'un avis subjectif, hein, mais je trouve que Besancenot a plus de charisme que Poutou. Ah bah il en a aucun. Poutou, il a pas de charisme du tout. Présenté quoi. Je le connais même pas moi. Ah bah non, je me doute, mais renseigne-toi, tu vois Poutou. Et puis c'est pareil pour Poutou. Poutou, ouais, t'as Poutou. Pas envie d'avoir un président qui s'appelle Poutou, quoi. On se claque déjà la honte avec celui qu'on a à l'heure actuelle. Bah, on a bien Hollande, l'autre pays du fromage. Mais après, il y a Cheminade aussi, c'est pas mal non plus. Il fait pervers. Non, mais il fait pervers, d'accord, quand il parle avec son accent du midi, hein, sérieux. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais. C'est un cirque. Et ouais, donc on vous demandera pas, on va pas faire un tour de table pour connaître les intentions de vote parce qu'on s'en fout. Non, voilà. On va. 80 à l'heure qui parle de politique. Moi, je peux le dire, moi, je vais voter Baudouin, de toute façon, depuis le début. C'est qui Baudouin? Ah, le roi Baudouin. Ah, bah, oui. On est en Belgique, hein, quand même. Ah, ouais, excuse-moi. Je connaissais pas trop. Ça. Ah, bon. Il était très aimé des Belges, exactement. Du peuple belge. Ah, Je connais l'avenue du peuple belge. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Harry aussi adore le peuple belge. Moi aussi j'adore le peuple belge. Mais on va pas de la même chose. Et on est en Belgique, quand même. Oh bah, t'inquiète qu'ils connaissent aussi. Il n'y a pas une rue Baudouin qui donne dans la rue du peuple belge. Si, peut-être. Ah non, ils étaient très pieux. Attention. C'est vrai. Ah ouais, bah lui aussi, mais lui aussi. Il est très pieux aussi. Mais les garçons, sérieux. Ah. Bravo, bravo. Bon. Bah, en parlant du roi, on va parler du roi de l'animation. Ouais, formidable. L'enchaînement des films. Alors, Stéphane, ça va pas être une sinécure. C'est le cas de le dire, oui. Ça va être facile. Mais on va s'amuser. Alors, rappelle-nous un peu tous les titres là, parce que t'as une belle flopée de titres à la fois francophone et. Jamais bleu. Ouais, bah alors ça, ouais. Touché. Après la boule noire. Diana Ross, Matt Bianco, Gold, Jean-Luc Lahaye. Sandra. Eh ouais, bon, c'est bien, hein, c'est un bon programme. Stéphane, tu sais qu'il y a 15 jours, on était amené à se demander si, avec tous les titres que t'as dans ton sac, si un jour tu tombais sur un titre que t'as pas. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah, je pense que ouais, ça me dit mais quelque chose. Mais ça, c'était du temps des CD, que ça, mais ça m'était déjà arrivé. Ou alors s'il y a un morceau... Ou alors si nous, on fait le salaud et qu'on met des titres. Ça sera faire, ça. On a déjà fait, avec des fois des invités... Donc avec une de leurs productions, un titre récent, et puis un titre des années 80. C'est vrai. Ouais, ouais, on a déjà fait des trucs sympas. Eh ben écoute, à toi de jouer, notre ami Stéphache. Bon, vous allez découvrir, vous verrez. Ah, ouais. Par quoi on va commencer. Bon, bonne chance. Hein. Mais, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Alors, alors on y va. tropiques qui claquent sur tes reins. Vers le ciel, tu dresses tes seins. rien d'autre à faire, je resterai cette nuit près de toi. Melody and turn the lights down low so that I can see. We gotta do that, we gotta do that. Ça fait vieille radio de l'ancien temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait, hein. Ah ouais. Belle session de notre ami Stéphane. Les Français parlent au français. C'est un peu en rapport avec ce qu'on disait. Ouais, ah ouais, non, c'est non, non. On va se taire, on va se taire. Bienvenue, bienvenue. En tout cas, belle session, Stéphane. Bienvenue dans 80 heures, merci. Franchement. Mais plus courte que d'habitude. Ouais, moi, ça m'a semblé. C'est parce que c'était... C'était bien. C'était tellement bien. Ah oui, c'est vrai. C'était la première et je ne sais pas si les suivantes pourront être aussi. Moi, je pense que oui. Aussi on, bien. On va se faire le tirage au sort, évidemment. Mais en tout cas, c'était très, justement, très amusant. Justement, ouais. Sans rapport avec ce dont on parlait en antenne, qui est son tirage. Oh non. On ne dira rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, hein. On ne dira rien. Non. Tiens, dis donc, c'est vrai, je vous le disais. Oui. Vendredi soir, ouais. J'ai découvert le stade Pierre Mauroy. Ah oui, et j'ai découvert des embouteillages. Aussi, non, ah ouais. Oui, c'est non, parce l'horreur. Que, non, on avait prévu le coup, on est parti beaucoup plus tôt, en début d'après-midi. Il y en avait déjà qui campaient là depuis la veille au soir. Là, ça devient débile, hein, mais moi je le vois parce que je passe par là en fait pour revenir du boulot. Et il y en avait déjà là qui campaient. Et donc évidemment, c'était le concert donc de Bruno Mars. Donc j'ai découvert Bruno Mars avec en première partie Jefferson Pac. Alors un groupe sympa, vraiment sympa. Ouais. Qui a vraiment mis le feu dans la salle. Par contre, le son pourri, je vous le dis carrément, c'était une horreur. Bruno Mars est arrivé juste après. Alors, pile poil, hein, 21h30, Bruno Mars, 23h c'est terminé, 1h30, il en fait pas plus. Un rappel. Ouais. C'est du show à l'américaine, évidemment. C'est pas déplaisant. C'est vachement sympa. Bon, franchement, ils chantent très bien. Oui, c'est vrai. Alors, je soupçonne quand même quelques petites bandes son derrière. Il y avait des voix féminines, il n'y avait pas de femmes donc, sur scène. Donc, il y a quand même. Mais c'est du show à l'américaine. Alors, les décors, ils bougent dans tous les sens. C'est un truc de fou. Il y a un moment, c'était insupportable parce que le son était mis d'une puissance, vraiment. Et je suis pas le seul à le dire. Hein, il fallait mettre des boules caisses parce que ouais, c'était mais tellement fort. Ils vendent des bouchons normalement. Ils les vendent. Ouais, ils vendent les bouchons. Ah non, à Johnny, on les reçoit. Hein. C'est vrai. Moi, je suis allé voir Johnny Hallyday. Tout le monde reçoit des bouchons. Ah non, là, c'était. Je crois que c'est payant. Enfin bref, j'ai pas pris de bouchons, mais. Bah si, parce que parfois ça fait. Ça dépend. Ouais, après, ça dépend. Voilà, d'emplacement. Alors, c'était quand même moins entre guillemets l'arnaque que Pharrell Williams. Alors, parce que Pharrell Williams, moi, pour l'avoir vu il y a 2 ans au Main Square, alors la grosse déception. Ah ouais. Énormément de bandes son justement. Et d'ailleurs, quand lui chantait, je me suis quand même posé la question à se dire, mais c'est vraiment lui qui chante sur les morceaux, parce que honnêtement, alors très bon danseur. On aurait plutôt dit un spectacle de danse et sponsorisé par Adidas à fond. Ah bon, là Bruno Mars c'est Nike. Mais d'accord. Très déçu. Bah, oui. Moi très déçu pour la partie musicale. Franchement, je m'attendais à un truc. Donc il y avait des musiciens live, mais qui jouaient quand même beaucoup sur la bande son. C'est pas impossible. C'était franchement décevant. Oui, il y a un bruit de fond. Ouais. Flipkat. Oui. Ah, attends. C'est toi le bruit de fond. Mmh. Ah voilà, ça y est. Ah, ben, voilà. Non, c'est pas ça. Non, on a toujours ce petit micro, qu'importe. Et bah oui, donc oui. Bon, donc oui. Comme quoi, des fois, les artistes de renom internationaux. Après, les conditions techniques, à mon avis, au Main Square sont un peu particuliers parce que c'est en extérieur. Ouais, donc, c'est un peu compliqué. Mais là, d'autres artistes se débrouillent très bien. Moi, j'ai vu les insus ici et là, je te promets. Une tuerie, hein. Ah ouais, mais je me doute. Il y a quelqu'un qui est tombé sur l'émetteur ou. Mais est-ce que vous êtes déjà allé justement au stade Pierre Mauroy? Bon. Bah moi voir Johnny. Ouais. C'est horrible, hein. Elle est horrible cette salle. elle est horrible. C'est pas fait pour faire des concerts. Honnêtement. Ouais. Bah écoute, nous le son ah était bon. Ouais, ouais, c'est... Nous le son écoute, était bon. Après peut-être, allez comme tu dis, le son était tellement puissant, peut-être que ça. Je sais pas, mais la moi je trouve que ça dénaturait un peu. On n'est pas, enfin voilà. Après bon, effectivement, c'était un beau show. Ouais, ben ça oui, c'est quand même une bête. Ah, et voilà. Attends et. C'est vrai qu'on a, alors, on a, vous entendez peut-être à l'antenne, on a des problèmes, on a des perturbations quand même techniques. Débranche le câble à coup pour voir, parce que justement. Bon, non, ça n'a pas l'air de venir déjà d'ailleurs. Non. Bon, on regardera non, pendant la coupure musicale. Bon, on va regarder. Ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, on va se faire un nouveau tirage au sort. Oui, bien sûr, on va tirer. Oui. Hein. Ben, voilà. Ce que je propose, c'est que Stéphane, déjà, ça va être agréable à l'entête. Stéphane tire deux titres, ensuite, bah allez, courtoisie ouais, oblige, on va demander à Onissa. C'est vrai qu'il va s'auto-punir là. Il se dit si. Ouais, mais je regarde pas, tu vois. Ah bah, j'espère bien que tu vas pas tricher quand même, il manquerait plus que ça. Je regarde pas. Allez, deux, Onissa, et puis aussi également Sherlock. Ouais, parce qu'il va tirer au sort. Ouais, il peut tirer une fois. C'est vrai que j'ai pas encore tiré ce soir. Non, c'est vrai. Il y a pas que ce soir d'ailleurs. Pardon. Ça craque plus. Ça craque plus. Non. Parle d'un coup pour eux. Si ça revient. Ça revient. Tiens, Sherlock. C'est pas moi là, les gars. Alors, vas-y. On va commencer avec Onissa. Allez, vas-y, dis-nous. Ah bah attends, j'ai même pas le temps de lire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça avec Nidzer Ebd. Oula. Et le titre? Let you body lamb. Ah bah ouais. Let on you est sur body lamb. On est sur de la new wave très comment je veux dire ça, très dark, très smooth. Très dark et smooth. Bon. Et après c'est ça va. Mel et Kim. Ah bah oui. Avec lequel? Showing out. Get fresh at the weekend. Get fresh at the weekend. You family? Yeah. Ah ouais. Attends, elle est pas passée il y a pas longtemps celle-là. Alors il y a peut-être l'autre. C'est quoi l'autre d'ailleurs? The Shower. Attends. Ah, Mel & Kim, je crois que tu avais passé un Mel & Kim, mais c'était pas celui-là. Ah ouais. Non, c'était pas celui-là. Non. Shower. Ils en ont fait que deux, de toute façon. Fuck me after shower. Je suis pas sûr, non. Et toi, t'as tiré quoi? Alors, Stéphane. Alors, moi, j'ai. En français, j'ai Philippe Cataldo. Oh, les divas du dancing. Jean Schultes qui a écrit la chanson. Et c'est le grand Jojo. Et Womack and Womack, Celebrate the World. Ah, j'aime bien. Celebrate the World. Avec le père Fourin qui fait les cœurs. Comme ça, le mec. Ça ressemblait vaguement à l'imitation de Canon qu'il avait fait. Oh ouais. En fait. You raise me up. Allez, Sherlock, à toi. Alors, moi, j'ai Dire Straits avec Money for Nothing. C'est bien ça. Je pense qu'on passera en intro. On passera en premier. Vas-y, chante la nous, hein, quand même. Ah ouais. Bah, je viens de le faire. Bah, vas-y. Bah, non, t'as pas entendu. C'était Money for Nothing, anything for free. Ouais, c'est quand même malheureux de pas. Pas faire l'intro, si tu pouvais faire l'intro. Ouais. C'est pas celle-là? Non, pas vraiment, non. On dirait c'est... du Rolling Stone. Non. I can get no. Attends, déconne pas. Je sais qu'il y en a une des Dire Straits qui commence comme ça. Ouais, mais... Non, tu t'aides pas, tu le fais à la bouche. Non, mais attends, qu'on soit d'accord, c'est ça fait... Non, pas du tout, non. C'est ça. Ah oui, d'accord. Et c'est Sting qui fait le background vocal. Exactement. Ah bon, ouais. Alors bah, j'avais le truc un peu là-dessus. Ouais. Alors justement ce qu'on entend le I am INTV, ça c'est Sting. Voilà. Et donc la deuxième et c'est ça d'ailleurs sur l'air d'une de ses chansons. Ouais. Exact. All donc... about the Zai Zai. The Willy. Ah, the Willy, pardon. Et donc, the Willy. La deuxième, c'est Bros avec When Will I be famous. Le groupe préféré de Marine Le Pen. Oh, Bros, non. Le Pen, ouais, bref. Oh non, comment je croyais que t'allais dire Désirless, moi, mais. Moi aussi. Tu comprends pas avec Hugo Boss, non? Les uniformes, non? Stop. Bon, on va arrêter. Bon, c'est la vérité. Et bah, bon courage avec ça, Stéphane. Bah, le temps de se faire une petite coupure musicale et on retrouve le Rétro Ciné 80 juste derrière. Ouais. Et après la prochaine session donc de notre ami Stéphane. Ouais. Alors bon, on va se retrouver juste après Paula Abdul et Straight Up. Ah oui. Ouais. Et ensuite Sig Sputnik. Sig Sputnik. Sig Sputnik. On est un peu dans la même. un petit peu dans la même ambiance que Nidia Reb. Ouais. Ah ouais. Et alors là, c'est Love Missile, oui. Ou Love Missile, je sais pas comment dire en anglais. Love Missile. Missile F1-11. C'est le numéro du missile en fait. Ils en avaient déjà tiré 10 avant, et là c'est le 11e. Ils se sont dit, tiens, celui-là, c'est un bon Scud. D'accord. Je te le dis, c'est vrai. Allez, c'est parti. Let me say it. Sari. Montons vite dans la DeLorean. Partons vers l'année 1980. Ouais. Là je fais le bon, c'est pas super pratique c'est à la radio, c'est quand même, ouais, c'est quand même dommage, ça, de c'est pas voir l'image. Ouais. Parce que là j'étais en train de faire le chef d'orchestre en fait. Attends, les cuivres. Attention, les bois maintenant. Ah c'est bon, moi j'adore. Non, je m'en lasse pas. Franchement, je m'en lasse pas de la musique. Ah ouais. J'espère que je dis-tu un peu moins. Mais... tout de bien, ouais. Alors rappelle-moi un peu le principe du rétro ciné 80. Oui, alors donc le principe du rétro ciné rétro 80. Cette semaine, j'ai regardé un film des années 80. Notamment, là c'est un film de 1980, c'est et même sorti le 20 février 1980. Ah, bah, tu vas nous dire combien de fois 1980. Et il est sorti l'année d'avant en 1980. Ouais, c'est ça. Je non, crois. Non, non, il est sorti en 79 aux States. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Bah ouais, j'essaie. Donc c'est un film américain déjà. Oui, c'est un film américain. J'imagine. Bah ouais, ouais. Je vais essayer de vous le faire deviner. Alors là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de musique du film, c'est-à-dire que j'en ai qu'une seule. Ah d'accord, ok. Voilà, donc ce sera beaucoup d'extraits de dialogue, enfin il y aura trois extraits de dialogue, mais qui devraient quand même vous mettre, je pense, sur la piste. Ok, ça marche. Et bien sûr, vous ne donnez pas la réponse. Hein, ouais, alors si vous trouvez... Y a pas de danger, Si on peut rappeler à nos auditeurs, c'est un film de... Tu as dit 1980. Mais il est sorti en 79 aux States. Aux States, d'accord. C'est ça. Donc... Bande de salauds. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le film a fait 1 178 535 entrées au box-office français. Donc en 80, non? Oui. Mais ça nous met tout le temps sur la piste. Hein, c'est ça. Bon, c'est quand même un score acceptable. Hein, ouais, quand même. 1 100, c'est quand même acceptable. En 80, ouais, quand même. Ouais. Il a eu deux nominations, notamment une aux Golden Globes et une à Gérard Maire. Gérard Armé. Ah, à l'époque, c'était pas Gérard Armé, c'était Avoria, hein, à mon avis. Non, là, c'était. Il l'a eu en 2002, celle-ci. Ah ouais, parce que dans les années 80, c'était pas Gérard Armé, c'était Avoria. Pour une ressortie, je pense. C'est pas Moucro. Hein, parce que c'est un film fantastique, évidemment, oui. Puisque forcément, si c'est Gérard Armé, c'est un film fantastique. C'est ça. Et oui. Toi. Alors. Laisse-moi une chance. Mais je te laisse une chance. Bah, je pour nul. Toi et moi. Non, même pas en rêve. Ok. Alors, je vais vous faire écouter le premier extrait du film, c'est celui-ci. Non, non, je ne suis plus moi-même. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, laisse-moi. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Chérie, tu es sûr que ça va? Mais oui. Oh mon Dieu, mais tu as vu ton pied? C'est rien, j'ai dû tomber. On dirait des morsures. Mais est-ce que tu vas me foutre la paix? Et en plus, on gèle dans cette maison. Quittons-la, tu veux bien? Prenons toutes nos affaires et partons. S'il te plaît, veux-tu laisser ce feu et veux-tu m'écouter? Je ne veux pas aller ailleurs. C'est toi qui as voulu l'avoir, cette sacrée baraque. Tu l'as eue, alors la ferme. Tu me dégoûtes. Ah bah, le titre du film, c'est le titre d'une ville. Oui. Bah oui. Évidemment. Effectivement. Ouais, ouais. Oui, évidemment. Mais je me doutais que tu aurais trouvé dans des épisodes, d'ailleurs. Oui, ah, ouais, bah, alors, je sais quoi. C'est la mort. Oh la mort. Attention. Mais je crois... ouais. Bon. Flipcat, apparemment. J'ai une petite idée, oui. Ouais. Stéphane. C'est un film sorti en 80. Oui. Effectivement. Donc je vois que tu es sur la piste. Il y a eu un remake. Il y a eu un remake, oui. De ce film il n'y a pas très longtemps. Et c'est d'ailleurs basé sur des faits réels. 2011. Ouais, il paraît écrit. Ouais. Alors, donc le deuxième extrait du film, c'est celui-ci. J'ai étudié longuement le dossier de ces meurtriers, surtout celui du jeune garçon de 20 ans qui a tué ses parents et ses quatre frères et sœurs. J'ai suivi son procès aux assises, et il a certifié que des voix lui avaient enjoint d'agir, des voix qu'il entendait chez lui, des voix qui lui ont dit de passer aux actes. En ce qui me concerne, je soutiens les avoir entendues aussi. J'ai senti une présence dans cette maison. J'affirme qu'il y a une présence étrange dans cette maison. Révérend, un assassin sur deux dit la même chose. Des voix m'ont fait agir. Je suis homme de Dieu et psychothérapeute, et qui plus est, j'ai été sur les lieux, et j'ai vu des phénomènes patents, j'ai senti des phénomènes patents, et j'ai même entendu des phénomènes patents. Et ce n'est pas sans raison que je vous dis qu'une famille de ma paroisse court un danger grave. Ils affrontent un réel danger. Alors, ah bah oui, évidemment. Les phénomènes patents, c'est et la patent. Maison, la maison existe vraiment, et elle existe oui. Toujours. Ah oui, oui, ça, non, alors... Ah. Je vais en venir après, mais en gros, je ne sais même pas si je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté, tiens d'ailleurs. Mais j'en parlerai après. Mais c'est dans la même lignée que Poltergeist en fait. C'est un peu dans le même style. À l'époque, on aimait bien. Hein, ça se passait dans une maison hantée. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le truc années 80. Alors c'est un film de Stuart Rosenberg et une musique de Lalo Schifrin. Ah bon, voilà, par contre. C'est vrai que effectivement. Alors. Mais c'était une série B, non? Enfin, c'est pas exceptionnel comme film. Hein. Pas une série B à l'époque quand c'est sorti. Non, à l'époque c'était vraiment puissant. L'acteur principal c'est James Brolin. Ouais. Et l'actrice principale c'est Margot Kidder. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout, non. Elle a joué dans Superman à l'époque. Ah bon? C'était Lois Lane. Ah ouais? Dis donc. Ah ouais. Donc il y a Rod Steiger, Don Strood, Murray Hamilton. Ah ouais, Rod Steiger évidemment. Il y a John Larch, Amy Wright, Val Avery et Michael Sacks également. Rod Steiger dans les Dents de la Mer. Oui, exact. Ah oui, quand même. Je vais vous passer le troisième extrait du film et ensuite on partira sur la musique du film qui, à mon avis, va vous parler beaucoup plus. Et je vous expliquerai un petit peu le pitch du film et je vous donnerai quelques petites anecdotes croustillantes. Cette maison a une vie occulte. Toutes ces fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Et ces mouches qui envahissent la maison. À cette époque de l'année. Et l'accident de Grégory. Vous trouvez ça normal, vous? Et cette nuit, la porte d'entrée qui a été fracturée. Et en plus de l'intérieur. Mais bien sûr, c'est l'histoire de John Ketchum qui continue. C'est-à-dire? John Ketchum a été chassé de Salem parce qu'il était accusé de sorcellerie. Et il a construit sa maison à l'endroit même où est la vôtre. Vous habitez une maison bâtie sur une terre dévolue aux pratiques des démons, la mort et le sacrifice. Terrible, les dialogues, waouh. Ouais, j'ai cherché hein, quand même pour trouver des dialogues qui pourraient vous mettre un peu sur la voie, parce que les dialogues sont pas très poussés. Ah bah, c'est le film d'épouvante de l'époque, hein, forcément. Ouais, alors j'ai été un peu étonné, parce que, bon, je vais vous donner le pitch du film avec la musique du film, qui est celle-ci, de Lalo Schifrin. Alors donc le pitch du film, c'est dans la banlieue de New York, le 13 novembre 1974, dans une maison bourgeoise, un jeune homme dans un accès de démence tue à coups de fusil ses parents, ses frères et ses sœurs. À son procès, il affirme avoir été possédé par une voix lui ordonnant de tuer tous les siens. Quelques temps plus tard, la maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence et la famille Lutz l'achète malgré la tragédie qui s'y est déroulée. Ils n'y resteront que 28 jours alors que des phénomènes paranormaux se produisent. Donc, oui, effectivement, le film, j'ai été un peu surpris. C'est qu'on ne voit pas grand-chose, en fait, de vraiment... je veux dire, sanguinolent. Ça laisse travailler son imaginaire. Tout est suggéré, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait un petit peu la force du film, je trouve. Ouais. Peut-être le sang qui coule sur le mur là dans l'escalier, On voit que c'est quand même assez grossier. Hein. Ça a été fait assez grossièrement. Années 80. Hein. Ouais, c'est ça. Alors donc, il faut savoir donc que Margot Kidder donc a tourné ce film peu après l'interruption de la production de Superman 2, dont 75% des scènes avaient été tournées par Richard Donner. Qui a également fait L'Arme Fatale, pour ceux qui connaissent. Bien sûr. L'actrice a ensuite repris son rôle de Lois Lane au début de l'année 80, et James Brolin était quant à lui hésitant avant d'accepter le rôle de George Lutz. Comme le script n'était pas prêt, il a commencé la lecture du livre de Jay Hanson, puisque c'est tiré également d'un bouquin, donc c'est tiré d'un fait réel. Un bouquin a été fait par rapport à ce fait réel. Et lui a lu le livre et il a été si captivé qu'il a lu quasiment d'une traite durant une nuit. Donc et il a accepté de tourner le film par rapport à ça. Dans un but purement commercial, certaines rumeurs auraient été colportées par la production, faisant part d'événements étranges survenus pendant le tournage. L'une d'elles rapportait que le film n'avait pas pu être tourné dans la maison d'Amityville parce que l'équipe de production... Ah bah, du coup, t'as donné le titre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. Que je l'avais trouvé, j'y Merde. Crois pas. Bah oui, t'aurais pu nous poser la question avant. C'est vrai, bah oui. C'est pas grave. Donc, Onissa, tu pensais à quoi? Ah ouais, pour une fois, je l'avais trouvé. Non, moi comme d'habitude. Hein. Bon, j'étais pas né. C'est vrai? Bah moi non plus. Hein. Ah si, moi j'avais trouvé tout de suite. Attends. Notre âge, on n'allait pas voir des films comme ça. Pourtant, je l'ai vu, mais 1980. Bah, à part Ronissa qui était déjà. Non, moi j'ai commencé l'année suivante à regarder des films d'horreur. J'ai commencé l'année d'après. Oui, donc la maison d'Amityville, effectivement, c'est Amityville, la maison du diable. Ouais, c'était ça, Amityville, la maison du diable. J'y crois pas pour une fois que j'avais trouvé. Ah, désolé. Je suis désolé. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous demander. C'est ta langue à la fourchée. Donc, ouais. Alors, donc, l'une d'elles donc rapportait que le film n'avait pas pu être tourné dans la maison d'Amityville parce que l'équipe de production aurait été trop effrayée pour y travailler. En réalité, la ville d'Amityville n'a donné aucune autorisation à American International Pictures pour tourner sur son sol. Elle ne voulait pas de publicité supplémentaire sur l'affaire des meurtres. Le studio dut trouver une autre maison pour les scènes extérieures et c'est sur Brooks Road à Tom's River donc qu'il la trouva donc dans une autre ville. Des façades intégrant les fameuses fenêtres en quart de lune y furent ajoutées ainsi qu'un toit mansardé pour ressembler à la maison d'Amityville. Bah, ça ressemble à une ferme aussi, enfin... Ouais, c'est la ferme américaine. Mais il faut savoir que dans le nord de la France, notamment, enfin j'en ai vu sur M, il y a des maisons qui ressemblent, avec par contre des fenêtres carrées à la place des fenêtres en quart de lune. Ouais. Donc le film devient un véritable phénomène et connaîtra de nombreuses suites jusqu'en 96. Et donc dès le second film, le préquel, donc Amityville 2, le possédé, donc qui est sorti en 82, de nouveaux personnages sont introduits à chaque film. Après ça devient une série sans fin. C'est ça. J'ai compté, je crois qu'on doit être à 14 ou 16 films en tout. Ah oui, c'est possible. Ouais. C'est énorme. En fait, ils en ont fait, je pense, 9 dans les années 80. Ils se sont arrêtés début 90. Jusqu'en 96 pardon, et ensuite ils ont repris en 2011 avec le remake du film d'origine. Ouais. Et ensuite bah ils ont refait des directs ou DVD Et une véritable merde. Vraiment. Ah, c'est possible. Ouais. Ah oui, non. Ouais, en fait, c'est le même que les années 80 avec les images d'aujourd'hui, mais bon. Ouais, des effets spéciaux un peu mieux, quoi. Voilà. Ouais, bah, il n'y en a pas tant que ça, puisque comme tu en c'est vrai, c'est suggéré. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, donc, après de nombreuses suites, Dimension Films et la MGM tentent de relancer la saga avec le remake Amityville, réalisé par Andrew Douglas, sorti en 2005. Ryan Reynolds y reprend le rôle de George Lutz. Le film est un bon succès au box-office. Avec 108 047 131 dollars, quand même. Ah ouais, je croyais que tu parlais de spectateurs. Non, pas de spectateurs. Donc de recettes mondiales pour un budget de seulement 19 millions. Ah ouais, donc c'est quand même énorme. Je suis pas étonné, Et donc par la suite, plusieurs films vaguement inspirés de l'histoire d'Amityville sortent directement en vidéo de 2011 à 2015. Et en 2017, sortira Amityville The Awakening, réalisé par le français Frank Calfoun. Donc ils vont encore en sortir... Tu l'as mis aujourd'hui ton Calfoun? J'y ai pensé. Donc voilà, ils font des suites et des suites, je trouve. Ouais, mais il y a rien de et ras-le-bol, quoi. C'est ça. Tu l'avais pas vu, Stéphane? Non. Ah ouais, ça arrive. Non, mais c'est vrai que j'avoue que du côté cinéma, je ne suis pas très bon. Et puis, de choses à rattraper, je pense. Enfin, le film en soi est pas trop mauvais. Ouais, ça vaut le coup quand même. Ouais, le film en soi est pas trop mauvais. C'est des années 80, il a vieilli quand même. Ouais. C'est sûr qu'il a vieilli. Bon, les gens sont habillés vraiment années 80, ça se voit. Mais par contre, tout est suggéré. Donc, t'as pas vraiment. T'as pas de décapitation ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est. Non. Mais alors voilà, c'est suggéré. Tu vois. Il va se passer un truc et tu vas voir les fenêtres qui vont devenir un peu rouges pour dire que c'est la maison qui a fait ça. Enfin, il y a des mouches à un moment dans une pièce. Il y a un prêtre qu'on entendait tout à l'heure qui est dans cette pièce qui est envahi de mouches. Il va commencer à suffoquer, à pas se sentir bien. Tout est suggéré. Tu vas pas voir les mouches en train de le dévorer vivant, mais tu sens quand même qu'il y a une certaine tension. La tension, elle est quand même palpable tout au long du film. C'est vrai. Tout comme Onissa, qui est aussi palpable. tout au long de l'émission. C'est ça. Tu l'avais vu, toi, Onissa? Oui, pour une fois que j'ai vu un film, j'y crois pas. Ouais, Philippe 4, pareil, tu l'as vu aussi. Attends, j'allais dire quelque chose. Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Oui, donc tu disais Philippe 4, tu l'as vu aussi. En fait, je t'explique. Là, t'es dans une émission qui s'intitule 4 heures. et t'en fais partie. Et donc voilà, donc oui. J'étais excuse-moi, c'est parce que je voulais rebondir sur un film, une parodie, justement parce qu'il parlait des mouches. Oui. Ouais. Le titre m'est revenu à l'esprit, donc j'étais pas attentif à ta question, excuse-moi. Scream. Ah oui, ouais. Ouais, c'est Scary Movies, la... pardon. Oui, oui, ah oui, Scary Movies. Avec la scène du prêtre qui a la tronche couverte de mouches. Voilà. Oui, donc ta question. Est-ce que tu as vu le film? Oui, bien sûr, mais oui. Est-ce que tu fais partie de l'émission? Oui, aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je suis tantôt avec vous et. Bon, mais enfin, oui, voilà. Non, le titre du film, c'est pas Amityville? Si, c'est 1980. Alors, voilà, donc ce que disait Philippe Cat, il disait la maison existe encore. Alors, oui et non. En fait. Le terrain sur lequel la maison était existe toujours. Ils ont construit plusieurs ils ont divisé en plusieurs parcelles, ils ont fait plusieurs maisons dessus et ils ont mis une réplique de la maison sur une des parcelles. Ah ouais. Donc c'est plus la maison d'origine, c'est une réplique de la maison. Il y a des petites différences Mais c'est terrible quand même, parce que donc ça veut dire qu'il s'est vraiment passé il y a vraiment eu un crime là-bas, le type a vraiment assassiné toute sa famille. Ok, non, c'est gay. Mais il y a quelqu'un qui a racheté la maison. Mais toi, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je pensais que c'était la maison. Elle avait été modifiée, puisqu'au niveau de la façade, ça ne te présente plus comme celle d'origine. Ouais, ouais. Là où sont passées les. Déjà, celle du film n'est pas. Mais je sais pas si c'est pareil. Hein. Celle dans le film est totalement blanche, la façade, que la maison d'origine a le haut de la maison qui est noir. Parce que je me suis un peu renseigné. La maison, je l'ai regardée sur internet et tout ça. Ah ouais, ok. Eh bien, écoute. Merci. Je t'en prie. Mais tu m'avais dit de parler d'Amityville depuis quelque temps déjà. Ah ouais, ouais. Et donc je me suis dit, bah, allez, je vais y mettre. Amityville, ça fait partie de notre jeunesse. Hein, bah oui. Ah bah oui, pour une fois que j'en ai vu un. Ah bah ouais, c'est clair. Eh bien, écoute, merci moi, à toi. J'étais fan des films d'horreur en étant petit. Ah oui. À 4 oui, ans, oui. Je regardais déjà des films d'horreur. C'est vrai. Ouais. Ça l'a un peu traumatisé quand même. T'as vu la vidéo du mariage de tes parents alors? Non, parce qu'il n'y avait pas de caméscope à l'époque. C'est ça. Mais j'ai réellement été traumatisé par un film qui était un film italien de mémoire qui s'appelait La maison près du cimetière. Ah, oui. Qui parlait d'une maison près d'un cimetière. Comme on l'indique, mais voilà. Sûr, ouais. Et en fait, bon, il y avait une personne décédée qui était revenue d'entre les morts et qui était dans la cave de cette maison parce que sa tombe donnait juste à côté de la cave. Enfin bref, quoi. Et c'est pas vraiment le pitch du film qui m'a fait peur. Ouais. C'est tout à la fin, en fait, le père donne un coup de hache dans le bide du mort-vivant et. Tu voyais une sorte de sauce tomate. À l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Tomaculi. Ouais, Tomaculi. Et ben, c'était ça. C'était Bien sûr. Encore. Mais tellement les effets spéciaux étaient immondes, j'ai plus voulu bouffer de Tomaculi, quoi. Et j'en ai flippé pendant plusieurs années après. Qui était pas mal, qui était marquant à l'époque. Je me souviens, moi, ça m'a marqué. Pour parler des films d'horreur des années 80, c'était les Evil Dead. Evil Dead, qui est pas mal pour l'époque, mais plus prenant, et c'est pour ça que j'ai une overdose, non pas que ça me fait quelque chose, je suis plus vraiment attiré par ce type de film, parce que quand je revenais de l'armée, mon père allait au vidéoclub, sur 10 cassettes, il y avait 8 à 9 cassettes sur les 10, c'était des films d'horreur. Mon père était fan, et je me rappelle par contre un film qui m'a marqué, c'était Suspiria, le triomphe de Satan. C'était des films ça assez... marchait très bien. Toute la série de Réanimator et tout ça, vous rappelez, mais à l'époque. Scanner, machin, c'était tous des films, ils étaient faits à l'arrache et on aimait ça. Vous n'avez pas connu Ozone aussi Ozone, c'était un truc de fou. Il y avait. Et ça n'avait pas de scénario, c'était des films où on enchaînait des scènes horribles. Et on était content, et on regardait c'est ça. Mais ouais, mais c'est vrai. Mais alors, il y a un très bon sketch de Bigard là-dessus, qui s'appelle justement Les films d'horreur, où il dit, moi je vais plus voir les films d'horreur au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Mais c'est vrai. Hein, parce qu'il dit, à chaque fois, ça se passe dans une maison abandonnée sur une île, bien sûr, il y a une bande de potes étudiants qui viennent alors qu'il y a eu un massacre 10 ans avant. L'île est abandonnée, il n'y a plus rien. Il y a juste un mec qui vient les ramener en chaloupe. Le gars, il a un ciré jaune avec un crochet à une main. Déjà, tu vois, t'as déjà pas envie d'aller dans cette baraque. Alors, je sais pas si... Et les mecs, ils y vont quand même. Et dans ce genre de film, t'as toujours une pétasse qui arrive à s'échapper. Elle court, elle se retourne 10 fois. Évidemment, elle va trébucher. C'est ça. Sinon, c'est pas marrant. Mais c'est ça. Mais c'est surtout que au lieu de descendre pour sortir, alors que le mec, il trace comme un malade. Quoi. Il court derrière, mais alors il trace comme un malade. Elle court à ralenti. C'est ça. Il la rattrape jamais. T'as jamais remarqué, mais il la rattrape l'autre jamais. L'autre qui va là, elle se cache dans les bois, puis t'as l'autre qui est là avec son sa hache ou son couteau. Et dit, où tu es? Où es-tu? Où te caches-tu? Bah bien sûr qu'elle va faire coucou, je suis là. C'est vrai que mais c'est tout des trucs comme ça. Dans le sketch, il dit à un moment, il y a un gars qui dit oh, tiens, j'ai une idée, on va faire deux groupes de deux. Il fait non, il y a plein d'autres moments où c'est sympa de faire des groupes de deux, ouais. Comme par exemple la dernière fois je suis allé aux prises uniques, on a fait deux groupes aux légumes et deux groupes aux surgelés, c'était très bien. Il fait mais là tu fais pas deux groupes de deux, tu te mets sur une table chacun avec une lampe de poche, tu regardes dans toutes les directions, ouais. Il fait mais tu fais pas deux groupes de deux, ouais. C'est complètement con, mais c'est la logique c'est ça, des films d'horreur. Quand la fille est poursuivie, elle va toujours monter à l'étage, alors qu'au lieu de sortir de la baraque, tu vois, au lieu de descendre pour sortir, non, elle monte. Alors, dis, mais il y a trois étages, il n'y a plus rien. Elle se jette du troisième étage. Mais voilà, c'est ça. C'est logique. Et c'est vrai que c'est tous les trucs. Ou alors dans la chambre frigorifique. Ouais, voilà. Ça aussi. C'est ça, ouais. Il n'y a pas d'autre issue pour en sortir. Mais c'est vrai que c'est les films de slasher, quoi. Ce qu'on appelle les slasher, c'est par exemple Jason Voorhees dans Vendredi 13. Les Mike Myers dans les Halloween, ouais. Les Freddy Krueger, ça c'est des slashers, c'est les tueurs en série en fait. Et c'est toujours comme ça, c'est des scénarios où tu comme vois Sherlock aussi. Ouais, par exemple. Des intérimeurs en série. Des intérimeurs en série. Mais alors moi je vous propose c'est de retrouver un autre slasher, c'est le slasher de disque avec Stéphane. Parce que là c'est le slasher du défi mix. Absolument, yeah. C'est le DJ en série. Alors là, t'as une belle programmation, mon ami Stéphane. Ouais. Merci à toi, Flip 4. Sherlock. Oh, non, Flip 4. Que... Je vous en prie. Non, je fais de la figuration. Ah bon? C'est pas ça aujourd'hui? Oui, non. T'as pas une petite chronique, non? Mais non. Quel intérêt de parler d'un groupe ou d'un joueur? Il n'y a pas de musique. Désolé. Et bien là, on va passer en musique, évidemment, avec la deuxième session, ouais. Stéphane. Alors, j'avais annoncé d'ailleurs Strats, Money for Nothing en premier, mais finalement, on va le mettre à la fin pour dire de d'en profiter, parce que voilà, je trouve que ça va. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, eh ben, on démarre avec. On va balancer le son. La surprise. Ah, yeah. Écoute, ça promet. À tout de suite. Ouais, ça promet, ça va être sympa. Frémissant tes parfumées, sans l'ombre d'un palmier. Toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se bat, frémissant t'es parfumé. Toi tu sais où les trouver, les divas du du mambo, du fada, du saxo, du saxo, du fêlé, du that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. His own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. C'est le Wolfman, Wolfman Jack. Non, c'est Dick Wolf, tu connais? Ah, à la fin des génériques de Dick Wolf. Wolf. Ouais, alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pete Withers, le batteur de Dire Straits. Ah, c'est aussi l'anniversaire de Robert Downey Jr. Ouais. 52 ans aujourd'hui. Ouais. Ah, où sont nos 52 ans? C'est également l'anniversaire de Gary Moore. Ah ouais, bah il est un peu mort hein, quand même. Ouais, il est légèrement. Au dernier nouvel, il est décédé. Ouais, bon, d'accord. Gary mort. Non mais. C'est Gary mort. Ouais. Ah, qu'on adore d'ailleurs, hein, qui faisait partie du groupe Lynyrd Skynyrd. Avec Thin Lizzy, évidemment. Toujours très bon ce Dire Straits. D'ailleurs, ouais. Et donc, t'as vu, c'était bien ça la musique. Oh, pardon, hein? Quoi? Ah, bien ça la musique que je t'ai faite tout à l'heure. Ça ressemble à du Rolling Stone. Ben non, je t'ai fait. Et donc, la voix de Sting là. Ouais. Oui. Attends. Ça, c'est ce qu'on entend. Ah ouais, clairement. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Il l'avait annoncé dans la chronique après dernier. Ouais. ouais, mais c'est parce qu'on l'a pas écouté le titre entièrement. Ouais, il avait passé la séquence, on entendait. Alors, je sais pas si c'est Stéphane qui craque. C'est pas moi qui craque comme ça. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si ça s'entend à l'antenne. Donc ouais. si jamais ça s'entend à l'antenne, merci de nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de l'émission. Qu'on le sache, qu'on puisse le savoir aussi. Ouais. Mais c'est pas Onisa hein. Qui craque. Qui craque. Vas-y, je craque en toi. C'est ça. Pourquoi on rigole en fait? Parce que vous êtes bête. Oui, on craque. Mais non. On craque pour Anissa. On craque pour Anissa. On l'appelait notre cracotte. Alors, en même temps, c'est notre croque-niqueuse. Hein, c'est donc, ça, ouais. Voilà, donc on reste dans le gras. Eh ben, écoute, merci Stéphane. Ah bah, c'était, ouais, plus... c'était, bien, ah c'était, ouais, bon. C'était plus difficile que la première session, mais bah faut dire que ça s'est ressenti. Les morceaux étaient. Le salaud. Ouais. C'était plutôt sympa. Non, ouais, non, c'était bien, mais ça... c'est vrai que j'ai préféré quand même la première session. Il y avait un petit côté hardcore, je trouve, à un moment. Ouais, ouais, c'est, ouais, c'est vrai. J'ai bien aimé cette session-là. C'était un peu mieux sur la fin. Surtout quand j'ai pas mixé. Là. Ouais, c'est... Alors, c'est, voilà. Ouais, c'est vrai, c'était un peu mieux sur la fin quand t'as commencé à lancer les Dire Straits. C'était un peu mieux. C'est exactement ça. Tu parlais de Lynyrd Skynyrd, qui la formation existe toujours. Oui. Ils ont sorti un album il y a peu qui s'appelle The Last of the Dying Breed. D'accord. Bah, également, c'est la partie du groupe d'ailleurs. Oui. Il est mort, pas très vieux, hein, une soixantaine d'années, je pense. Mais effectivement, bon, je crois qu'il a bien vécu aussi, Gary Moore. Qu'on connaît évidemment avec la reprise de Parisian Walkways, qui était d'ailleurs avec Phil Nizzi à l'époque, et après il l'a fait en solo, et un très bon titre qu'on connaît, ouais, évidemment. Tu vas nous le faire, allez, vas-y, fais-nous Parisian Walkways. Grégorio, Michael Grégorio. C'est pas mal, c'est pas mal. Il se défend bien quand même. Je suis pas sûr que Michael Grégorio sache faire aussi bien Casimir, par contre. Ah, c'est sûr. Ah, il faudrait lui demander. Parisian Walkway, donc tu fais la musique de Parisian Walkway avec les paroles chantées par Casimir. Tu pourrais nous le faire. Oh, yeah, yeah, yeah, oui, ça, oui, oui. Alors ça commence par I remember Paris, vas-y. Oh. I remember Paris. And 49. Après, je sais plus les paroles. Et alors, ouais, tu fais la guitare en même temps, vas-y. Voilà, c'est version Casimir. Ouais, c'est ah ça. Ouais, bah, il reste, ah bah, écoute, je vois Casimir jouer de la gratte avec j'ai une palette qui là. J'ai la guitare en plastique qui va avec, forcément, ouais, c'est ouais, Casimir. Ouais, donc. T'as déjà joué de la guitare avec des moufles, toi? Non, il avait des doigts, Casimir. Ouais, mais t'as vu, enfin, des saucisses cabi. Va plaquer des accords là-dessus sur la manche de guitare. Bon, ok. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort la prochaine session. Mais tirer, les amis, allez, tirer. Allez, on va tirer ça. Allez, on va dire moi-même. Allez, hop, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est vrai. Aïe. Joséphine. Joséphine. Pas vraiment, non, plutôt Joséphine, ange gardien là. Comme quoi, avec un réhausseur, ça passe très bien. Ouais, ouais. Moi, je l'aime bien. Eh ben, elle a ouais, bah, oui, mais... quand même, on est d'accord. Oui, oui, tout le monde me dit. Même la semaine passée. Le mois dernier, c'était super nada. Ouais, c'est vrai. Vous savez ce que même Mimi Mati est venue la voir, elle a dit. Tu ressemblerais pas à quelqu'un. Flip 4, pareil, t'as tiré au sort, c'est allez, bon. C'est allez, bon. Allez, vous savez ce que Mimi Mati regarde en premier chez un homme? Non, ses genoux. Ah. Je tapais plus, bah, moi déjà. Moi un peu plus haut. Ah bah ça serait du pire, hein. En même temps, ça fait mal, hein. Bah non, moi je sens rien. Ah ouais, bah voilà. Hein. Allez, soyons sérieux. À toi, Mimi. Alors, Samantha Fox. Ah bah oui. Hey, elle manque pas d'air. Touch me, oh, j'adore. Ouais, tu nous le chantes? Bah non. Ah si, bah tu viens de le faire. Touch me, I wanna feel your body, ah, ouais. Your heart beat next to mine. Touch me, ça va être bon aussi, touch me now. Et alors moi, il y a une version que j'ai adorée qui est ressortie avec Samantha Fox, ouais. Et Gunther. Oh, Gunther qui est un chanteur, je crois que c'est un Suédois. Ouais. Mais le gars, il a la coupe mulet des années 80, donc ouais. La nuque longue, la moustache, les lèvres un peu, tu sais comment on fait les selfies en cul de poule. Ouais. Ouais. Mais il a tout le temps les lèvres comme ça et il chante Touch Me. Tu vois, c'est toujours comme ça la voix. Hey. Mais franchement, je te conseille d'aller voir les clips de Gunther, ouais. Notamment la chanson Ding Dong Song, c'est You Touch My Tralala. Et franchement, c'est une tuerie. Ouais, j'adore. J'y penserai. Déjà avec le chanson, ça fait la chanson, ça fait oh, you touch my tralala. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Mmh, ouais, my ding ding dong. Ah non, ça me parle moins. Mais bah, franchement, mais... après le ding ding dong, non, je connais pas. On dit ça. Et alors, bon. Mylène Farmer, sans logique. Ah ouais, c'est facile. Oh, là, et il marque Illegical Club Remix. Ouais, pas bah, wow. Facile. Bah, ça fait. Sans logique. C'est un truc dans ce genre-là, je crois. C'est ça. Tu connais, c'est ça. Ouais, c'était. Ça doit être ça. On est pas loin, on est pas loin. Ouais, c'est ça, on doit être ça. Flip 4. Alors. La première, Chagrin d'amour avec Bonjour. Voilà les nouvelles. C'est quoi cette chanson? Ah bah c'était dans le sac. Chagrin d'amour avec Bonjour. Ça, c'est la passée. Ouais. Ah, c'est clair. Allez, démerde-toi, il faut que tu nous la chantes. Hein. Voilà. Je la connais pas, comment vous donnez. Moi non plus. Alors déjà du français. Putain, j'ai ça, moi. Chagrin d'amour, c'était. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, 5h du match, j'ai des frissons. Je pousse là. Avec Vali. Ouais, c'est ça. Mais alors là, franchement, je vois pas du tout celui-là. Bonjour. Mais à mon avis, c'est la même musique que chacun fait ce qui lui plaît avec d'autres paroles. Peut-être. La suivante, Flip 4. Et la suivante, Simple Minds avec Promised You Miracle. Ah, donc là, vas-y, tu vas nous le chanter celle-là. Ben, je connais pas bien les paroles. Non, moi non plus. Et ça me parle pas non plus. Moi non plus. Alors, j'ai c'est un pour peu ça la que chanson je vais en tête, chanter. Mais... J'ai déjà dit, faut pas compter sur mon plan. Vas-y. Chacun son truc, mais non. Mais l'air, ça fait quoi? Tu peux juste nous faire l'air, tu vois. Moi, je t'ai fait la guitare tout à l'heure. Le compresseur n'est pas gonflé, donc je ne pourrais pas le faire l'air. Bon, ok. Oh là là. Bienvenue, les grosses têtes. Vas-y, fais-le. Non, tu fais bien. Alors. Ouais, bah, il a... Une question de madame Belle-Père de Loche. Ah non, Stéphane, il fait mieux que ça. Vas-y. Ah ouais, vas-y. Ah, le... Ouais, bah, je fais juste le rire, moi. Non, la parole, il fait bien. On a que des imitateurs. C'est ça. Là. D'autant plus que maintenant c'est Laurent Ruquier. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors moi j'ai P-Lion avec Happy Children. Ouais. Alors bon, ceux qui avaient fait le morceau de Top 50, mais c'est un autre morceau là. Mais, et là ça fait Happy Children. C'est quasiment la même chose. Ouais, ça. Et The Chorts, tiens. Comment ça va? Oh là là. Ah oui, c'est ça. Ah, okay, d'accord. Promised you a miracle, ok. Sherlock. Oui, alors, On est bien. Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vous ai senti chaud, très chaud ce soir. Donc, on est chaud ce soir. Là, je vous propose du Elmer Footbeat. Ah, j'ai une copine qui adore. Elle connaît ça. Elle est fan. C'est qu'il y a bien chez Onissa. Ouais, c'est 89, ouais. Ah ouais. Alors, pas avec Daniela, mais avec le plastique, c'est fantastique. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et ensuite, bon, on va rester dans... Dans le plastique. Avec Plastique Bertrand. dans le plastique, j'ai dit. Non. Avec Gespati et Étienne. Oh, Étienne. Ouais. C'était bon, ça, à l'époque. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Quand tu ôtes la culotte. neuf, mais il vaut mieux ça que des ternes regrets. Plus la peine de fêler tous les lavabos, chaque fois qu'une fille te rendra à beaucoup. Il suffit de t'enrober la libido pour passer la nuit à lui faire le voyou. Bienvenue au club, on est tous avec vous. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux. Nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes du latex. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux. C'est une question de réflexe, nous sommes adeptes du latex. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de faire la chose sans rien se mettre tout au bout? Lorsque l'on peut être les gants de partout entre nous. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux. Nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes du latex. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux. C'est une question de réflexe, nous sommes adeptes du latex. Il se comme un grand port de limite. Au cours Nom de Dieu, certes des deux. Ça fait con. C'est vrai, ça le fait pas. Comment ça? Comment ça, R2? On doit monter dans la DeLorean, mais tu t'es trompé de chronique. Retour dans la 4L. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, effectivement, là, je vais vous parler donc des sorties ciné donc, pour cette semaine. Et je vais commencer donc avec le film Power Rangers. Oh non, pitié. Ah bah si, désolé, mais il en faut pour tout le monde et malheureusement pas pour toi sur ce coup-là, parce que ben voilà, enfin c'est quand même une série à succès parce que ouais, ça. Ouais, c'est vrai, je regardais quand j'étais jeune. Hein. Ça ouais. fonctionne ouais, depuis des années et ça ouais. continue encore à la télé. Les Power Rangers, bon, pour ceux qui connaissent un peu les Bioman dans les années 80, les Power Rangers, c'est un petit peu les Bioman américains, quoi. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ah, c'est américain, c'est Power Rangers. Ouais, c'est Aim Saban qui fait ouais, ça. Je crois que j'étais asiatique, quoi. Non, c'est américain. Bah, c'était justement pour contrer un petit peu les Bioman, en fait, qu'ils ont. D'accord. Ils ont sorti ça. Force jaune devant et marron derrière, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, c'est avec, donc Power Rangers, c'est avec Dacre Montgomery, R.G. Seiler, Naomi Scott. C'est un film de Dean Israelite et ça sort en France également demain. Donc ça se passe dans une petite ville. Cinq adolescents découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers. Le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante. Wow. Voilà, bon, c'est un peu le même pitch dans toutes les déclinaisons de Power Rangers qu'il y a eu. Hein. Parce que je me souviens quand j'étais petit, c'était déjà ça. Ils ont fait Power Rangers avec des dinosaures, je sais pas quoi, c'était ça aussi. Ouais. C'est avec des acteurs différents, mais ils reprennent le pitch et ça refonctionne. Donc, bon, et voilà. Vous vous rappelez de Spectroman? Ah oui! Ah oui! Spectreman! Pas Spectroman! Spectreman, si j'avais. Spectreman, t'es sûr? C'est Spectreman, je le sais, j'avais le verre à moutarde. S'il te plaît! Eh ouais! Attention, et il changeait de visage avant d'avoir son masque de Spectreman. Et ouais, ça marque plus. J'adorais ça. Plus que Power Rangers. Ah ouais, bah oui, forcément, mais nous, c'est plus années 80. Bien que Spectreman était fin années 70. Ah, c'est Spectreman, ouais. Spectreman. Ah oui, oui, si. Spectreman. Là, on cible beaucoup mieux, là. C'était excellent, ça. Ouais, carrément, carrément. Alors, je continue. il a son petit moment de solitude, là. Solitude, ils sont tous seuls. Spectreman et tout le monde. Se remet dans... Oui, bon, non, d'accord. Non, c'est bien. Alors, ensuite, sort demain en Belgique. Et, ça sortira en France le 12 avril. Donc, la semaine prochaine, c'est Boule et Bill 2. Ah, avec oui. Charlie Langendry, Franck Dubosc, non pas du tout. Franck Dubosc et Mathilde Seigné, c'est un film de Pascal Bourdiot. D'accord. Voilà. Ah ouais, il faut attention, Boule et Bill précisément. Boule et Bill. Alors qui est Boule, qui est Bill? Hein? Qui est Boule et qui est Bill? Ah, Bill c'est le chien, non? Ouais, Bill c'est le chien, c'est ça. Ouais, c'est, ouais. C'était ça la question. Ah, ouais. Bah non mais. Alors quelle est la différence entre Boule et Bill? Bill a les boules, non? Non, Bill n'a pas de chien. Ouais, c'est comme Tata Ilou. Ah oui. C'est con comme truc. Alors, la famille de boules mène une existence. Pardon. Il s'étrangle, malheureux. La famille de boules mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille. Ouais. Boule travaille bien à l'école. Sa maman donne des cours de piano à domicile, tandis que son père est un dessinateur reconnu. Donc, tout va bien. Tout bascule, par contre, lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Donc le père va faire des conneries pour que tout aille mal. Boule va l'aider un petit peu. Enfin, ça va être un joyeux bordel pendant, à mon avis, une bonne heure et demie. Quoi. Ouais, j'ai pas vu le premier. Moi non plus. J'y tiens pas, parce qu'il y a Franck Dubosc déjà... Ouais. Bon après si t'accroches pas au personnage forcément ouais c'est déjà c'est vrai que ça met déjà un frein comme moi avec Poulvard quoi. Alors, on continue avec le film À bras ouverts avec Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein. Ouais. C'est un film de Philippe de Chauvron qui avait notamment fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. Ah oui, ça c'était chouette. Et ça sort également en Belgique demain. Donc, alors qu'il fait la promotion, donc c'est Christian Clavier qui joue le rôle donc, d'un mec un peu bourgeois, hein, un intellectuel de gauche marié à une riche héritière. Et donc qui est accusé d'hypocrisie par un journaliste pugnace qu'il met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage, c'est-à-dire d'accueillir quelqu'un dans le besoin chez lui. Il dit si tout le monde accueillait quelqu'un dans le besoin, il y aurait moins de misère dans le monde. Donc il est un peu mis au pied du mur. Et donc dès le soir même, on sonne à sa porte. Donc de sa somptueuse maison de Marne-la-Coquette. Et donc les convictions des Fougerolles vont être mises à rude épreuve. Ouais. À voir maintenant ce que ça va donner, j'ai pas... Moi ce qui me gêne, c'est un peu comme le film avec Kev Adams, c'est qu'on fait tellement de promos dessus, carrément on se dit, bon ok, parce qu'on le voit à toutes les sauces, Harry Habitant, Clavier, Zilberstein, ouais. Qui font une promo pas possible sur le film, bon ok, ouais... Mmh. Je doute un peu quand même. À voir. Est-ce que tout le film n'est pas dans la bande-annonce ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Absolument. C'est souvent ça en fait dont j'ai peur quand il y a une comédie comme ça. J'ai peur que tout le film. Parce que l'inverse serait plus chiant quoi. Si toute la bande-annonce était dans le film, ce serait long quoi. C'est vrai. Alors donc les Schtroumpfs et le village perdu. Non. Bah si. On parlait des Schtroumpfs quand même. Bah, si. Ah bah attends, c'est une institution ça quand même. Tu dois très bien faire aussi la voix des Schtroumpfs. Ah ouais, vas-y. J'aime pas les cadeaux. Non, c'est Schtroumpf Grognon. Bah, Schtroumpf Grognon, ouais. Schtroumpf Grognon, moi j'ai reconnu. Ouais, je peux pas te fais Schtroumpf Concon, tu sais bien le faire. Schtroumpf Concon ? Ouais. C'est Scooby-Doo, là. Ouais, c'est Scooby. Ouais. J'adore. Bon, alors donc les Schtroumpfs et le village perdu. Donc c'est avec les voix de Laetitia Milo, Gérard Hernandez qui fait le grand Schtroumpf. Ouais, bah oui, comme toujours d'ailleurs, il a toujours fait le grand Schtroumpf, ouais. Et donc c'est un film de Kelly Asbury, c'est sorti en Belgique la semaine dernière. Et donc la Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce et traversent la forêt enchantée inexplorée pour suivre une carte vers un mystérieux village Schtroumpf. Mais Gargamel est aussi sur les traces de ce village et le chemin qui y mène, regorge d'embûches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Pendant le voyage, certains mystères sur les origines des Schtroumpfs seront dévoilés. Oh. Alors là, le film est tourné uniquement en image de synthèse. Parce que leur slip est trop serré. Ah non. C'est pas vrai. C'est non, mais par contre, tu sais que la Schtroumpfette est une création de Gargamel. Oui, et elle n'était pas blonde à l'origine. Elle était noire, je crois. Elle était brune, ouais. Brune. Elle était brune. Mais alors le film est en image de synthèse complètement, donc il n'y a plus que les Schtroumpfs qui sont en image de synthèse, il y a également Gargamel maintenant, il n'y a plus d'acteurs humains en fait. Il n'y en a plus du tout, non. D'accord. Ce que je trouve pas plus mal parce que quand on voit l'acteur qui faisait Gargamel, parce qu'on a toujours la référence du dessin animé, ouais, voilà. Oui. Et je trouvais qu'il l'incarnait pas très bien. Ouais, et puis il avait pas regardé, donc je sais pas. Et il avait pas la voix non plus du Gargamel du dessin animé, quoi. Donc mais toujours. Donc c'est moi ça m'a un peu gêné dans les films précédents. Là, parce que tu vas regarder les Schtroumpfs, non, mais une blague. Bah non. Mais regarde tout. Peut-être d'accord. Pas tout quand même, mais j'essaie de regarder quand même une grande partie des films dont je, enfin pas je fais la promo, mais dont je parle quand même. Ouais, c'est bien. Voilà. Et ça investit à fond. Hein. Bon, et ben on va faire un tour de table. Onissa, tu irais voir quoi? Les Schtroumpfs. Non, tu plaisantes. Mais moi j'aime bien. Les Smurfs. Yeah. Ouais, Smurfs. Ouais. Ouais. Ou moi je vois des petits bonhommes tout bleus. Vous savez ce que ça veut dire, Schtroumpf? C'est chaussettes. Chaussettes, ouais. Ouais, mais moi j'aime bien. Okay. J'aime bien les dessins animés, moi. Ouais. Et c'est la femme de Peyo qui a trouvé le nom. Ah ouais? Ouais. D'accord. Flip 4, tu irais voir quoi? Ton avis? Les Schtroumpfs? Oui. Ok, ça marche. Avec si des sorties en Belgique, bah oui. On avait franchement le deuxième, c'est marrant, c'est bien. Ouais, mais moi je trouve que c'est divertissant. Ouais, parce que t'es un gamin, évidemment, mais tu vas en couple aller voir les Schtroumpfs. Ah non, pas en couple. Tu veux pas aller avec Onissa aller voir les Schtroumpfs, quoi. Bah si, viens avec moi, viens dans un love seat. Dans un love seat. Bah ouais. Bah je regarderai pas le film, moi. Bah je t'ai pas demandé de regarder, c'est moi qui vais regarder. Je ferai que ça, te regarder. Tu feras Gargamel et moi je ferai la Schtroumpfette. Ouais, mais il se passe rien entre Gargamel et le Schtroumpf. Justement, c'est protégé. Je ferai le grand Schtroumpf. Il se passe rien non plus. Stéphane, je t'irai voir quoi? Petit Schtroumpf. Alors là, c'est un je passe chaud. Mon tour. Ouais, mais alors c'est... tu vas jamais te passer au cinéma. C'est vrai que cette semaine... Écoute, hier, je suis allé voir un film qui sortira donc le 16 avril. Ah bon? Qui s'intitule Sous mon toit, film de Dominique Farrugia. Donc on pourra parler peut-être, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Bien. Donc, c'est sympathique. En avant-première alors. C'est en avant-première avec Dominique Farrugia et Louise Bourgoin. Ouais, bien. Tu étais voir où au kiné? Kiné, ouais. D'accord. Ouais, ils font beaucoup hein, comme ça. Bah oui, ça, de temps en temps une petite avant-première, c'est sympathique quand même. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. J'ai vu La Grande Vadrouille il n'y a pas très longtemps là. Ah oui, en avant-première. Par contre, aucun acteur n'est venu. Ah ouais. Il y a en 3D qui doit sortir. T'imagines. En ultra HD. C'est ça, ouais. Le corneau en 3D. Avec les enceintes au-dessus, tout le monde. Tu veux voir un film bien chiant qui veut. Ah, oula. Qui n'est pas encore sorti, Diarrhée. Si, c'est... Oh. C'est quoi ça? Oh, fou, j'ai pas capté. Et toi, t'irais voir quoi, Charlotte? Bah, j'hésite, franchement. Peut-être les Schtroumpfs aussi, quand même. Ouais. Bah, comparé avec. Boule et Bill, j'ai pas vu le premier parce que ça m'attirait pas plus que ça. Ouais. Power Rangers, bon, bah, j'ai déjà vu la série et puis je trouve que ça tourne en rond, hein. Donc, ouais. Après, ils sortent ça aussi parce que les plus jeunes le voient à la télé, donc oui, c'est plus attractif pour eux, je pense. Ouais. C'est pas ceux de notre génération qui vont aller le voir, je pense. Ou alors si, mais avec leurs enfants. Non, et puis à bras ouverts, j'ai peur d'être déçu, parce que j'avais bien aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ouais, j'ai peur qu'il retombe dans les mêmes, voilà, c'est ça. Par contre, dans Boule et Bill, allez, c'est peut-être intéressant de voir Mathilde Seigné dans un autre, allez, un autre registre. Ouais, parce qu'elle elle fait jamais de comédie, c'est extrêmement rare qu'elle joue. Si, c'est elle qui a fait camping, non? Ouais, elle a joué dans comédie. Ouais, mais pas dans ce genre-là, quoi, elle joue une maman et c'est pas pareil. Ouais, peut-être. Peut-être. Et d'habitude, elle joue les grandes gueules et tout ça. C'est vrai que c'est une actrice que j'aime assez. J'aime bien. J'aime voir comment elle a fait une série il n'y a pas très longtemps qui était passée sur, excellent. Sur TF1. Bah, malheureusement, elle a dit qu'elle ne voulait pas faire la deuxième saison. Ah, donc, c'est une autre actrice qui va le faire. Ah. C'était Sam. Mm-hmm. Excellent. C'est tiré d'une série, je pense, allemande ou des pays baltiques. Ouais. Qui s'appelait Rita à la base. Mm-hmm. Ils ont un peu francisé le nom pour dire que ça passe mieux, mais franchement, je trouvais la série très très bien faite. Mm-hmm. Et puis elle était bien dans ce rôle. Ouais, elle est très très bien dans ce rôle. Ça, franchement. J'ai un métier moi la journée. Elle jouait le rôle d'une prof, une prof de collège, mais qui était vraiment cool quoi avec. Mm-hmm. Avec les élèves, c'était plus la bonne copine que la prof principale quoi. Et puis elle fout un de ses boxons. C'est ça. Excellent quoi. Mm-hmm. J'ai bien aimé. Mais ça a saigné. Ah, mais elle était facile. Vive 4, sort de ce corps. Elle est de secours. Bon, bah, Black Eddie, hein, ouais. Eh ben, on va continuer avec la session suivante de notre ami Stéphache. Ouais. Une session pleine de surprises. Tu vas pas tout le temps te plaindre. Alors on a passé 22 heures, donc on peut se permettre des choses un peu plus trash. Ouais. Alors moi j'ai hâte de redécouvrir Chagrin d'amour avec le titre un peu improbable. Bonjour, bonne nouvelle. Bonjour, plein de nouvelles. Déjà rien que le titre annonce la couleur, je crois. Bah, c'est clair. Alors on va y aller. Allons-y. Et confiance. Ça va chauffer. Yeah. Ouais, c'est parti. I was hungry for love, I was hungry for love. as love takes a train. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. As golden days break wandering. Life goes cold. Everything is possible. Promises. Everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises. Promises. Break wandering. Reflects on them a while. Love screams so quietly. Slipping back on golden tides. Breathing would scream memories. We'll be right back. C'est moi la princesse, la Didi, et j'attends le prince et son dada. C'est moi le prince, je suis charmant et je suis mince, beau, grand. Que fait mon gant, je manque d'air, dans un instant je me roule par terre. De mec à dame, taxant pour dame d'or, si j'étais pas sa cour, l'affecte ta femme, taxant sans dame, pas question de vente, alors secours. Mon arbalète, sa carotide se font reset, je suis trop speed, le mec se marre, alors j'appuie si j'ai gonard, tant pis pour lui. Tu? Ouais, je l'ai. Six pieds sous terre, un labyrinthe, à la vessie, j'entends des plaintes à verger, entre les enfants, les petits grands-pères et les mamans, à la nation, tout le monde descend de 3 sous 8 matin ensemble. Vire du prince, ça veut t'avoir, ça c'est ça, c'est Agoma. Qui dit justice pour nos petites fils, princesse, ton fol amour de m'assiste. Et toi, flashback, le temps j'ai dit c'était quoi? Que le grand cric me croque, raqué par le grand bouc sans master pour rapplique, masticoté. Je dis que je craque, je stocke, stocke, clique d'une claque et top des bacs. Et ping et bang, oh bon fait ton test. Bouge un peu tes fesses, vois mon amant dans ce tourment. Va tout léger à me trouver. On est sorcière, mais que penser? On les laisse, ce suspense est un dessin. Vite, le mot de passe, t'y passes, t'y passes, t'y passes, t'y passes. Comment ça va? J'adore. Ah ouais. C'est un vrai délire parce que Stéphane là, il s'éclate à mort parce que il y a du chagrin d'amour et du shorts en même temps quoi. C'est ça ouais. Oh là. C'est génial. On je suis fan. Flip 4. Ouais c'est ça, ça fait flip 4 hein. Flipote. Bravo. Bah, bah quelle misère hein. Bravo, c'est ouais. Tu dis quelle misère. La dernière session. Ah bon, ouais. C'est éclaté. Alors, il nous reste à peine 3 minutes pour tirer au sort les 6 premiers titres. Les 6 prochains titres. après, il se barre, il ferme la porte. On laissera les clés, hein, mais. J'espère que vous avez passé un très très bon moment parmi ces 3 sessions de notre ami Stéphane. Et Dieu sait qu'on lui a pas rendu la tâche facile. Dire, ouais. Pas évident quand même. Mais je me demande comment tu fais. Hein, parce que c'est vrai que. Non, mais sincèrement, comment il arrive à caler des sons bah, comme ouais. Ça. Surtout que ces morceaux-là, surtout le. Chagrin d'amour. Alors, je sais pas d'où ça sortait ça. Mais, d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai écouté une fois en entier d'ailleurs. Bah non, mais par bon, contre, on reconnaît bien du chagrin d'amour. Mais moi, j'aimerais bien que tu me montres un de ces 4 comment tu fais. Faudrait faire une tournante, tu vois, là-dessus aussi. Enfin, là-dessus aussi. Là-dessus aussi, si tu veux. Alors, sur moi. Sur ces belles sous non, mais beaucoup d'impro. Bah, ouais. Que de l'impro. Alors, même, si je peux me permettre, déjà la façon dont tu te sers de la table de la radio, c'est déjà de l'impro. C'est déjà pas mal. Ah, donc, s'il te plaît, si tu te sers du matos de Stéphane, moi je comprends rien du tout. Mais c'est vrai, tu pourrais nous expliquer ça un jour, mais ouais. Pas pendant l'antenne, parce qu'à mon avis, on aura besoin de plus d'une émission pour comprendre. Et bah écoute, la semaine prochaine, c'est toi qui vas venir à ma place. Ah bah si oui, tu veux, avec plaisir. Voilà. Ouais, ça marche. Et on va faire une tournante, là vraiment, parce que. Non mais. Tu as sa tournante. Je manque. Banzai. Yalla. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Ça y est. Canon sort de ce corps. Va dans le métro, ça palace. Bon d'accord, donc on fera une tournée. Je pense que vraiment ouais. il faut que chacun passe derrière la table ouais. Voire sous la table. Voire sous la table, voilà. Ça vaut mieux si tu veux. Ouais, non, mais, ça marche. Mais même on y sort. Ah mon dieu, bah, sérieux. Bah oui, il n'y aura si, pas d'émission ce jour-là. Mais si, eh oui, si. Non, mais c'est le problème. Compliqué. Alors le problème, c'est que ah non, franchement, aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir. Ouais. Parce mais que, c'est pas un problème ça. non, mais comme je suis en plein préparatif de déménagement, c'était vraiment compliqué. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Ouais, et j'ai failli pas être là pour l'émission. Je suis venu quand même, mais c'est vrai que. Je me dis, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un ou même plusieurs personnes qui puissent me suppléer ou me remplacer. Même de toute façon, personne n'est irremplaçable. Non. Donc, c'est beau ce que tu dis. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, Harry, tu prends le relais. Ah bah pourquoi moi? Je suis pas tout seul. Ça va être Flip 4 ou. Bah ouais, mais c'est parce que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre à quartz. C'était le premier. Donc. Je suis jamais là. Moi, d'habitude. Je sais même pas me servir de mon GSM. Tu vas me coller à la table. Non mais allô. On fait déjà passer chronique, alors tu penses bien. T'en as fait une, toi? Bon, j'arrête pas, moi. C'est vrai que tu devais nous dire un petit mot sur le carnaval, ouais. Carnaval de Waterloo. Eh ben, je vais vous en dire un petit mot. Fantastique. Ouais, t'as pas un mot un peu plus long ou une phrase quoi. Alors belle soirée. Donc ça s'est passé sur 2 jours, hein, samedi et dimanche. Donc c'était samedi l'élection du prince du carnaval. Donc belle soirée vraiment avec tiens en platine Didi Nono qui a vraiment assuré. Il a fait une belle soirée. Et puis j'ai fait la présentation avec Denis. Donc on a eu un prince du carnaval. D'ailleurs on pourrait le faire venir, hein, qui est très sympa, qui s'appelle Didier et qui représente donc l'amicale du Crétinier. Et qui va tenir le rôle donc de prince du carnaval pendant 1 an. Donc félicitations à lui. Belle soirée où se sont succédés sur scène différents groupes, différentes associations, des danses, un peu de tout quoi. Donc c'était vraiment bien. Le lendemain, bah il y a eu le défilé évidemment et mm-hmm. Ça s'est terminé donc à la salle Roger Salengro et je vous le donne en mille évidemment. Ça s'est terminé en fiesta jusqu'à une petite heure sympa, mais plutôt vers 8 heures quoi. Donc voilà. Ah donc, ouais, c'est chouette. Ouais, c'était sympa. Et alors le prince du carnaval, il sort à chaque occasion comme les miss alors? Non, un peu moins quand même, mais il va représenter la ville sur les carnavals en Allemagne, puisque la ville de Waterloo est jumelée avec Eichweiler. Eichweiler, ja. Eichweiler. Non, Eichweiler. Eichweiler. Hein? Noé Wheeler. Ah, ah là là, il fait 3, il ah, ils sont jumelés avec 3. Ouais, bah, c'était censé, ouais, ouais, mais c'est tombé à plat en fait. Donc, c'est pas grave. Attends, on revient en arrière. Ah là, j'ai pas suivi, voilà. J'ai pas compris en fait. Mais, Noé Wheeler, toi, femme publique. C'était une petite. Voilà, bah, c'est pas grave. Non, mais même en l'expliquant, ça marche pas. Non, j'ai pas compris. Non, sérieux, j'ai pas compris, c'est quoi? Non, mais c'est pas grave, continue. Erge Wheeler, Gabe Wheeler, je sais plus. Donc, ils sont jumelés avec qui? J'ai pas compris, non, ouais, j'ai pas compris. Bah, parce que je sais pas. Avoir des parents du. Bah, flip 4 voilà, c'est ça. Nicht verstanden. Ah. Il y a plus personne qui parle français ici. J'ai pas compris. Bon, et eh ben écoutez, bah, on va remercier. C'était éprouvant. On va remercier Stéphane, évidemment, pour le défi Mix 80. Remercier Flip 4 pour rien. Et, oui. On dit ça pareil, on la remercie. C'est déjà quelque chose quelque part. Hein. Rien, c'est. C'est déjà quelque chose, ouais. C'est pas grand chose, mais c'est rien. Ah, déjà trois présence. Fois rien, c'est déjà quelque chose. Voilà. C'est vrai. Pour notre c'est présence. Déjà trois fois rien. Non, voilà, je trois fois rien, ça fait quelque chose. Exactement. Merci à Sherlock pour le ciné pour rétro tout, 80. Oui. Je vous en prie. Et j'ai trouvé, en plus, j'étais. Mais c'est vrai. Avant. C'est vrai, je sais. Ce soir, il n'y a vraiment rien qui a été, en fait. Si, le défi mix. Ah ouais, ouais. Bien sûr. Il y en a un qui a tout sauvé. C'est vrai. Enfin, après, d'ailleurs, tu pourras revenir la semaine prochaine si tu veux. Alors, il y a notre petit Raphaël qui veut faire avec le petit mot de la fin, qui est venu nous rejoindre et qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne. Oui. Great Britain. Vas-y, dis-le en anglais. Allez, dis-le en anglais. Tu dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, en anglais. Good night, everyone. Yeah. Yeah. That's okay. All, folks. This is the sound of sea. Ah oui! Ah non! Le petit Raphaël qui est avec nous et qui vient nous faire un petit coucou une fois tous les trimestres à peu près. Hein, ou, et on est bien content de le voir, il grandit bien, 11 ans quand même. Et il nous fait le plaisir donc, de sa présence de temps en temps. Et puis, et ben, c'est bien. Écoute, oui, il doit bien se marrer quand il entend les chansons en anglais. Alors nous, on est à fond dessus. Ouais. Et puis lui, par contre, il comprend les paroles. Ouais. Et il se dit, mais que des cons à l'ancien. Ah oui, ça peut. S'il sans. Savait ce qu'il se dit. Ouais, voilà. Mais bon. All about the Willy. C'est Captain. What? Bon, allez, c'est Jean. Eh ben, on se quitte là-dessus. La semaine prochaine, on se retrouve même heure, même antenne, évidemment. Oui. Toujours sur RQC95FM, 20h, 22h30. Ouais. Peut-être qu'on retrouvera notre ami Canon, qui sait. Ah, peut-être, on sait pas, ouais. Voilà. Et là, on va ils se ont pas de nouvelles, non? Bah écoute, non, pas ce soir, mais bon, on en aura. Ouais, bon, on va en avoir, hein, il va nous. Oui, non, bonjour, voilà les nouvelles. Ça, c'était aussi une petite touche d'humour. On n'est pas là de le réentendre, celui-là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et là, on va se quitter donc avec le titre I Won't Let You Down de PhD. Yeah. I wanna let you down. Ah, oui, bien sûr. Ah, bah c'est marrant, ça, c'est de qui tu dis? PhD. PhD. Ah, c'est marrant ça, parce que c'était Jim Diamond qui chantait ça à l'origine. Ouais. Bah, le D de Diamond, peut-être. Ah, peut-être. Okay. Voilà, c'est peut-être les initiales des personnes du groupe. Peut-être. Et peut-être bien. Allez, bon, on se quitte avec ça alors. Allez, ciao. Bonne semaine, bisous. Ciao. Yeah. beat the high tide. Take me and chain me.